connaissent pas encore et vont devoir apprendre vite fait. Je détériore les crânes comme je détériore les petites fesses. Parisien, j'ai un style de vie bizarre au hit. Quand je quitte, le studio est classé si t'as au risque. Fallait que je rappe, histoire que je me valorise. À chaque mesure, je brûle des rappeurs comme je brûle des calories. Tant pis si mon album c'est pas une grosse sortie. Je vais bientôt me barrer d'ici grâce à ma grille de l'auto-sportif. Quand je commence à rapper, les fans s'agitent. Ils réclament du son comme un sadomaso réclame sa gifle. Des rimes j'en ai en stock, jamais en rupture. Évidemment que je fais mal comme une rupture des ligaments. Ils en demandent, heureusement je suis qu'au début. Chérie, faisons connaissance, demain matin on se connaît plus. On cherche une fille jolie comme Angelina. Des fois j'écoute le diable car la voix de mon ange est minable. J'ai du mal à me cerner, à contrôler mes actes. À force de me laisser faire, on a frôlé le désastre. Je rêvais de villa, de piscine, de sensation. Ma vie est en chantier, j'ai même pas de quoi payer les fondations. Je me pète la tête au rhum, au whisky label 5. Je commence la journée au poste et je la finis par le médecin. 7-5, c'est là que je réside, ouais. Tu peux me croiser dans le 20ème ou sur internet via mon site, ouais. Pas le temps de chercher une belle blonde pucelle. Je m'entraîne à boire mes pintes de bière blonde plus sec. Y'a 2 ans de ça, j'étais calme et gentil. Maintenant je m'égaffe car pour rien on te casse tes gencives. Je me vois mal faire le larbin toute ma life. Bah ouais, j'ai des goûts de luxe et des goûts de palace. La nuit je joue au foot et je m'y crois pour de vrai. Je crois que je m'en sors mais le rêve s'éteint quand j'éteins ma console. Viens en studio, on écoutera l'album ensemble. Prévois des pansements, tu vas repartir les oreilles en sang. Dans mon album y'a des rires et des larmes. Ça va mettre des baffes à ceux qui avaient dit que j'étais naze. Dans le rap faut que je m'installe à long terme. Au micro je fous le feu, les radios ont peur que je passe à l'antenne. Ils veulent me stop, honnêtement ça tient pas debout. Mon sgeg c'est comme le micro, il est passé devant un tas de bouches. Je suis mystérieux, silencieux comme un sourd et muet. Après ce morceau tu te souviendras du jour où je t'ai tué. On évolue comme des bêtes, regarde les traces de griffes. À force de vivre dans des forêts tropicales de briques. Tu aimes ces phrases, t'en auras dans tout disque. Les hommes veulent du liquide, les tarpés du liquide visqueux. Qu'est-ce que je risque? Rien, j'ai tenté ma chance. Après des années de galère, j'ai enfin quitté ma chambre. Je tente le coup, j'ai 25 balles et à peine. J'ai pas de minutes, encore moins des années à perdre. Je donne tout pour ceux que j'aime et ceux qui savent. Quand ils m'ont vu avec des larmes sur le visage. 2 ans d'hôpital et je m'en sors pour je sais pas quelle raison. L'hôpital Necker était devenu ma première maison. Petit miraculé, 1 chance sur 10 de vivre. Toujours y croire et désormais une de mes petites devises.